Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai retrouvé ma blague. Ah, ah de, donc une auditrice. De, non, c'est un auditeur de oui. Serge de Dourdan. Ah, très belle ville. Ouais, ouais. Pourquoi les souris green green? Mais oh. Non, mais non. Gris gris. Nini. Oh putain, mais lisse qui est marqué, bon sang. C'est pas possible d'être bête à ce point-là. Il est bête. Alors, à manger du foin, c'est pas possible. Il n'y a plus de foin. Il va nous mettre sur la paille. Moi, bah, je pense qu'il fait exprès. Parce oh que... non, c'est pas possible. Alors, on en a parlé, ça a gâché pour la science, parce qu'il quand même, il devrait être dans un laboratoire. Oui, remarque, c'est des... hey, il est bien préparé, il est déjà dans le formol. Bon, alors, vas-y, refais-la. Alors, tu l'as refait, celle-là. Pourquoi les souris font ni-ni? Mais non, pas font ni-ni. Lis ce qui est marqué, bordel de merde. C'est pas possible. Oh non, mais c'est pas possible. Les souris ne font pas ni-ni. Les souris font ni-ni. Non, mais... Mais tu sais pas lire, bon sang de bois. Elles c'est marqué. Pourquoi les souris ni-ni? Ni-ni. Non, mais... Alors, couche, connasse. Rassurez-moi. Rassurez-moi, les micros sont pas branchés. Non, on peut couper. Là, en ce moment, on est en pause. On répète. On est en pause, là, oui. Alors, Boris, pourquoi les souris font ni-ni? Mais non, oh, pas mais faut ni-ni. Pas, elles font rien. Pourquoi les souris ni-ni? Excusez-moi, mais elle est où? Bah alors, qu'est-ce qui est écrit? Non, il y a marqué « Pourquoi les souris ni-ni ?» Pourquoi les souris ni-ni-ni? Non, non, non, non. Parce que les rats... Non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais appelez Hortefeu, faites quelque chose. Les souris ni-ni-ni. Non, mais je te jure. Et ta sœur, et ni-ni-ni, ta sœur. Et maintenant, on écoute Maurice. Ah, alors Maurice, la blague. Ah si, bah, ah, Maurice, si, alors. La blague de Serge. Allez. La blague de Serge. La blague de Serge. La blague de Serge. Pourquoi les souris ni-ni-ni? Moi, je me casse. Hein. Moi, je me casse. Faites ce que vous voulez, je me casse, je vais réveillonner chez moi. Non, non, mais moi, je me casse. Oui. Mais non. Il est marqué trois fois là-dedans. Oui, oui. Oui, oui. Non, non. Non, non. Non, non. Tu sors pas d'ici tant que tu l'as pas marqué. Pourquoi les souris ni-ni? Ah, oui. Voilà. Là, ça ne fait pas. Hein. Allez. Attends, il y a la réponse maintenant. Parce que les rats font... Mais non. Ah, ah non. Il n'y a pas marqué fond. Non. Parce que... Parce que les rats... Gna gna. Bon, alors pourquoi les souris gna gna? Parce que les rats gna gna. Bravo Boris.